Bonjour. Je suis journaliste alternante et je me demandais ce que ça vous faisait de porter la tenue d'été au lieu de la tenue anti-émeute. C'est bon, bonne soirée. Merci, au revoir. Non mais c'est vrai, ça doit être plus agréable pour vous, voilà. C'est plus serein. Allez, bonne soirée. Merci. Non mais c'est juste, c'est plus serein, non? Ben, j'ai pas envie de vous le dire, bonne soirée. Ah, c'est pas plus serein comme ça? Ah ouais, bonne ah, ça va pas être rassurant quand même. Oui, c'est pas rassurant, bonne soirée. Vous aimez pas les journalistes? Je comprends. Souvent, ils dénoncent les violences policières et tout, ça va pas être facile. Il y a une carte de presse à me présenter? Non, je l'ai oublié. Ah. Mais c'était juste une question. Allez, comme ça. Oui, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Oui, mais c'est vous qui êtes agressif. C'était juste une question de savoir souhaite, si c'était plus je vous souhaite une bonne soirée. Comme travail pour vous. Je vous souhaite une bonne soirée. C'est pas agressif du tout, vous souhaitez une bonne ça soirée. Ça a pas l'air serein. J'aurais pu vous dire au revoir, mais je vous souhaite une bonne soirée. Oui, oui. Une carte de policier. Voilà, au revoir, monsieur. Ouais, dame. Il a pas sa carte de police et tout. On peut plus poser des questions à la police. Voilà, c'est ça. Au revoir. Il y a les bonnes et les mauvaises questions, peut-être. Bah, je demandais juste si c'était serein. Tout c'est à pas fait. Une mauvaise question. C'est serein. Voilà. Une journaliste, elle c'était pose juste des cette question-là, monsieur, en fait. Il se formalise et tout, il dit ouais, mais non. Mais j'ai un journaliste et tout. Il a des instructions, il est suivi. Qui est de ne pas répondre aux questions. Vous n'êtes pas capable de la présenter. Non, d'assurer. Bah, moi, je ne vous demande pas votre carte de police. Vous n'êtes pas habilité pour le faire. Vous n'êtes pas habilité pour le faire. Bah, elle est journaliste. Elle ne peut pas le présenter. Elle ne peut pas le prouver. Maintenant, voilà. Madame, monsieur, bonne soirée. Bonne soirée à vous. C'est juste une question de savoir si c'était plus serein d'assurer ce travail-là que quand vous avez vos tenues anti-émeute. Allez, pour contrôle. On ne contrôle pas, là. Si, si, au faciès, au faciès. Si, si. Tout maghrébin et tout, faut contrôler et tout. À bientôt, monsieur. À bientôt. Surtout à jamais. Moi, j'ai pas envie de vous rencontrer, moi. Ah, bah, si, si, moi, je suis sûr que j'ai pas envie de vous rencontrer, toi.